musique en marge. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Malgré l'absence de Gabriel Béhout, on osera pénétrer dans les coulisses de la huître. Et Stéphanie Paradis nous gâtera en partageant une recette digne de porter le nom de Master Steph. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 31 mars 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est seul aujourd'hui, Steph. Seul au monde! Oui, seul au monde avec you nos problèmes. Winston! Moi, les mots commencent par Win. C'est Winston et Windows. Winston. Je les aime pas. Je les aime pas. Winchester. Oui, sauce Winchester Tire. Non, ça c'était pas ça. Non, hein. Winchester Tire. C'est pas un chat, là. Le Westshire Cat. Ah, non, je le connais pas personnellement, mais je le salue quand même. Lui et nos autres auditeurs chats, oui. Qui est une partie de notre auditoire, parce que les gens laissent la radio ouverte, leur radio ouverte, dépend. Dans leur salon, ça arrive. C'est la moindre des choses, laisser ça pour le cheminée ou là. Un peu de respect. Hein? Donc aujourd'hui, l'émission, Steph, on va avoir à 8h. Bon, on n'a pas Gabriel Béhoud, mais on va quand même faire une petite chronique dans les coulisses à la 8, parce que sinon, dans deux semaines, ce ne sera plus tellement à date. Effectivement. On va en parler tantôt. Ensuite de ça, à 9h, tu nous fais Master Steph, enfin! Oui! Après l'absence considérable. Ouais? Ouais? Puis là, en plus, je nous gâte. C'est un spécial poke! Poke! Comme sur Facebook, là, je te poke. Ouais, exactement. Poke back! Et puis, on va avoir aussi un paquet d'autres chroniques pas importantes autour de ça pour combler le temps. C'est l'émission d'aujourd'hui, Assemblage requis. Ça va être une partie de plaisir, comme toujours, mais on aime commencer en musique. On aime mettre le feu à la place en écoutant Les Incendiaires. Oh. Voici Pink Venus. C'est tellement concept. Tu connais, hein? c'est-tu comme une nouvelle mode de laisser comme 20 secondes de rien à la fin des chansons? De manque d'inspiration, check, il y a du vent. Ah, ok, t'as raison, t'as raison. Ah ouais, si je le mets au max de la console, là, on entend un petit quelque chose. Ça valait vraiment la peine de laisser 25 secondes. Toi, t'as une fin d'incendie, ça? Ça doit être à peu près ça. Eh ben, mais les incendiaires avec Pink V, c'est assemblage rock. Maintenant, on va apprendre quelques affaires, mais sur un sujet précis, en forme de liste, on appelle ça son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on a établi une liste sur un sujet précis. Et aujourd'hui, étant donné qu'on va finir avec Master Steph, l'émission tantôt, je me suis dit qu'on allait parler un petit peu de bouffe. C'est ce que je préfère faire. En fait, c'est le seul moment où j'aime ça faire ces listes-là. C'est quand on parle de bouffe, sinon on m'intéresse pas. Donc, tu connais Ben & Jerry? Oui. C'est très à la mode d'acheter du Ben & Jerry, un pot à 8$ en dépannant dans un petit frigidaire. C'est bien, bien à la mode. Mm-hmm. Tout le monde achète ça. Donc, quelques faits là-dessus. Ça va être intéressant, je pense. Et on va commencer avec la raison pour laquelle les saveurs de Ben & Jerry sont aussi sucrées. Ça goûte vraiment fort ce que c'est supposé goûter, tu sais. OK. Des saveurs riches, qu'on appelle. En partie parce que le cofondateur Ben Cohen a de l'anosmie. C'est qu'il n'y a presque aucun odorat. Ah! Oh. Donc, s'il ne pouvait pas goûter la recette, ben, il ajoutait plus de saveur. Ah ben, ben c'est logique. Ben, c'est bien logique, en fait. Je pensais à ma grand-mère, ça, qui ne goûtait plus rien, là, qui mettait un peu trop de sel. Ah ouais, c'est ça. On a tous quelqu'un dans la famille qui fait ça. C'est le contraire de la cafétéria. Je pense qu'ils ont trop de... Ils ont le contraire de l'anosmie, eux autres. Ah, eux autres, ils goûtent trop, ouais. Mais ils non, mais ils mettent aucune saveur. Mais eux autres, ils goûtent même pas leur plat. Ils vont à l'œil. Exact. Puis ils louchent, fait que... Oh, okay. Burn! Ensuite, le département de recherche et développement est vraiment professionnel. Schimoller, OK, est un de 3 scientifiques culinaires dans l'équipe de Ben & Jerry's. Les 4 autres membres de l'équipe viennent de... si on veut, d'arrière culinaire. Ils ont aussi un passé culinaire. Un d'entre eux a le titre de Primal Ice Cream Therapist, thérapeute principal de la crème glacée. Hey, avoue que c'est badass, là. Mais hein, je m'assoirais sur son divan à Marocain s'il était thérapeute de crème glacée. Ben, faudrait que tu sois une crème glacée. Faudrait, un jour peut-être. Je rêve de devenir une crème glacée. Donc, ensemble, ils lancent environ 5 saveurs par année chez Ben & Jerry's. Une saveur peut prendre plus d'un an à développer. Le cycle de développement moyen pour une pinte de base là, est entre 12 et 14 mois. Mais il y a eu des occasions où Schimoller a réussi à trouver une saveur la première fois. D'autres fois, ben, t'es sur l'itération numéro 10 et tu te demandes toujours si ça va fonctionner. C'est exactement ce qui s'est passé avec Liz Lemon Greek Frozen Yogurt, un des seuls produits où le nom est venu avant la saveur. Vous savez qu'ils ont des petits partenariats avec des émissions de télé, comme là, c'est le Tonight Dough pour le Tonight Show avec Jimmy Fallon. Liz Lemon, c'était pour 30 Rock, la sitcom avec Tina Fey. Bref, un des seuls produits où le nom est venu avant la saveur. Ils savaient qu'ils voulaient faire une saveur Liz Lemon parce qu'évidemment, le nom du personnage est Liz Citron. Liz Lemon, t'as pas le choix. Mais ils savaient pas ce qu'ils voulaient faire comme saveur. Donc, ils ont regardé plusieurs saveurs de citron. De l'autre côté du spectrum, Schwally Balls, qui est inspiré de Saturday Night Live, s'est inspiré par le sketch classique avec Alec Baldwin, s'est rendu au marché en un record de 4 mois. Très rapide pour Schwally Balls. Un sketch qu'ils ont refait dans SNL Québec, dans le premier épisode ou le deuxième, avec les animateurs d'une radio communautaire. Là, si vous avez vu ça, vous savez de quoi je parle. Si vous savez pas de quoi je parle, ouais, vous savez pas de quoi je parle, mais vous en foutez. Fait que tu sais, on passe à autre chose. Hein. Ensuite, la plupart des saveurs débutent avec la même base. Donc, un mélange de lait, de crème, de sucre liquide, de jaune d'œuf et de l'eau. Il y a quelques variations avec différents degrés de gras et de sucre. Choisir la base sur laquelle débuter va dépendre, oui, de ce qui va être ajouté plus tard. Si une recette demande quelque chose avec une teneur élevée en gras, comme du beurre d'arachide, ben, ça va débuter avec une plus faible en gras, une base faible en gras, voilà. Donc, si t'es un niveau de gras trop élevé, une fois congelé, tu vas finir avec quelque chose qui ressemble à du ciment. Donc, tu veux pas que ça fasse ça. C'est pour ça qu'ils doivent s'adapter. Si tu ajoutes quelque chose de sucré comme du caramel, eh ben ils vont utiliser moins de sucre dans la recette de base. C'est logique, faut qu'il atteindre un certain équilibre. Ah, tu apprends ça avec le temps, j'imagine, parce que quand tu fais plusieurs pots puis qu'ils sont durs comme du ciment, tu apprends ta leçon. Ben non, c'est ça. De toute façon, eux autres sont badass là, ils ont tous des noms de scientifiques badass de crème glacée. Hey, thérapeute de la crème glacée, j'en reviendrai jamais, je pense. Parfait, c'est parfait. Chaque année, l'équipe fait un petit pèlerinage, comment on dit en français, pèlerinage, dans des villes culinaires du monde pour rester vraiment à l'avant-scène de la scène de la saveur mondiale, si on veut. Ils vont passer 12 heures par jour à tester, à goûter des nourritures de tous les types. Ils vont aller à 10 endroits par jour. L'inspiration d'ailleurs pour Liz Lemon Greek Frozen Yogurt, c'était un cocktail à la lavande et au bleuet à San Francisco. Étrangement, parce que ça n'a presque rien à voir. Cette année, 2015, donc l'équipe a visité Portland en Oregon et Schimoller prédit un futur rempli de caramel et de sucre brûlé. Ah. Ça me touche, là. Ben, certainement. Le sucre brûlé. Donc, il voit aussi beaucoup de trucs surettes. Donc, on va voir beaucoup de surettes dans le monde des cocktails cette année. Les bières surettes font un comeback, retour. Ouais, j'ai de la misère à le comprendre, mais bon. Ben, hein. J'aime le surette, mais pas dans la bière, Je sais pas. T'as-tu déjà essayé? Non, mais j'aime pas les bières acres, fait que j'imagine que c'est un peu le même genre, non? Aucune idée. Aucune idée, moi non plus. Alors, ensuite, Ben & Jerry's qui reçoit environ 13 000 suggestions de saveurs par année de ses clients. Oh! Chaque membre de l'équipe de recherche et développement reçoit un mois de commentaires à revoir, à passer en revue pour les nouvelles idées et les thèmes récurrents. Certaines des saveurs les plus connues de la compagnie sont nées de ces suggestions-là, dont Cherry Garcia, une des plus populaires parce que c'est resté depuis toujours. Mm-hmm. Et pourtant, Cherry Garcia est passé de mode il y a longtemps, mais Cherry Garcia en tant que tel, à la cerise. Ça se démodera jamais. Jamais, on le voit, c'est le premier pot que je vois dans tous les dépanneurs, toutes les épiceries où je passe, c'est tout ça. Il est là, tu sais. C'était suggéré par deux fans des Grateful Dead de Portland, Maine. En décembre 2013, après avoir passé plus d'une décennie au sommet de la liste des préférés, des saveurs favorites des clients, des consommateurs, donc la saveur qui date d'il y a 27 ans a été détrônée par Half-Baked, inspirée par, je pense, les drogués de ce monde. Half-Baked et le film Half-Baked, référence à des drogues. J'imagine que quand t'as des munchies, que t'as faim après avoir pris la drogue, tu prends du Half-Baked, qui est maintenant au sommet. Et ça, ça n'a pas été suggéré par des Grateful Dead Heads. C'est pas chaque saveur qui peut être trouvé dans votre épicerie locale. Vous avez sûrement remarqué que votre saveur préférée, des fois, n'est pas disponible dans certains endroits. Comment ça? Ben, Colin, c'est que certaines sont créées pour des épiceries ou des endroits précis. Ah. Par exemple, une des saveurs préférées de M. Schumoller, c'est Nutty Caramel Swirl, qui a été développée pour goûter exactement comme une barre Snickers. Mm-hmm. Uh-huh. Elle est seulement disponible chez 7-Eleven aux États-Unis. Nous autres, ça dépend. Il n'y a pas grand place qui ont des Ben & Jerry's. Moi, j'en ai vu chez Target. J'en ai vu à mon dépanneur du coin. Pas mal ça à date, mais je sais qu'il y en a d'autres, là, mais il me semble que je ne les ai pas remarqués à d'autres endroits. Non, il me semble dans les épiceries comme standard, il n'y a pas ça. Non, c'est très, très américain, mais je pense qu'il y a des boutiques Ben & Jerry's à Montréal. Ouais. Je dirais même plus. Je dirais même allô le mal de cœur quand tu prends le gros format parce que tabarouette que c'est sucré. Les gros formats s'adressent à qui dans les boutiques de crème glacée? Pour vrai, même moi j'ai un appétit d'ogre et je suis pas capable de finir. Non, ouais. Vraiment pas. Je te dirais que leur format c'est de plus en plus gros. Hein? Ouais. Tu demandes un moyen, je vais être raisonnable. Tu prends un moyen. Puis là, ça sort une espèce de un saut. Surtout quand il est trempé. Ouais. Ça. Mais bon, ça s'empêchera pas de lâcher pareil parce que tes yeux sont plus grands que la panse. Puis tu dis tant qu'à de l'acheter un qui a une pièce de différence avec le plus gros, c'est pas le plus gros. C'est ça. Tu jettes, c'est ça. C'est le même qui en profite. Non, tu jettes pas, tu le manges, t'as mal au cœur. Ben c'est ça, c'est pas grave. Ça va mal au cœur une fois de temps en temps, ça renforcit l'intérieur. Hein. C'est un beau mal de cœur. Ouais. C'est un mal de cœur de crème glacée. Si tu meurs, ben tu meurs heureux. Hein? Voilà. Bref, seulement disponible chez 7-Eleven, comme on disait, celle qui goûte les sneakers. La première saveur sur laquelle Schmoller a travaillé, c'était Berry Voluntary. J'imagine sûrement un ancêtre de Cherry Garcia. Non, des baies, ça par rapport avec les cerises. Bref, c'était fabriqué pour Target seulement. Alors que Walgreens vend une version nommée Truffle Trifecta. C'est chez Walgreens, une pharmacie genre magasin général. Et Walmart vend Cotton Candy à la barbe à papa. Cool, hein? Il y a un cimetière des saveurs. C'est triste un peu, ouais. Au quartier généraux, à l'usine de la compagnie, à Waterbury, dans le Vermont, les saveurs discontinuées sont enterrées presque avec une pierre tombale. C'est pas littéralement enterré, mais quand même une pierre tombale. Parmi les saveurs qui nous ont quittés, Et parmi les créations de M. Cohen de Ben & Jerry's, donc il y a Miss Jelena's Sweet Potato Pie, patate douce. La pierre tombale dit one potato, two potato, sweet potato pie. No one would appreciate it, so we had to let it die. Oh, mais lui, c'est triste. Personne ne l'apprécie, on a dû la laisser mourir. Hein. On avait déjà fait une liste, il me semble, des saveurs de Ben & Jerry's qui étaient mortes à un moment donné. Ensuite, être un développeur de saveurs a certains avantages. Ben & Jerry's te permet d'emmener chez toi 3 pintes de crème glacée par jour. Hey boy, hein? Bonjour! Heureusement, les quartiers généraux de la compagnie à South Burlington, cette usine-là est équipée d'un gym complet. Ils ont aussi un instructeur de yoga et des thérapeutes pour faire des massages. Il y a aussi une pièce pour faire une sieste. Un gros visage. Vraiment, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Ensuite, les noms avec des jeux de mots fonctionnent pas toujours sur les marchés internationaux. Étrangement. C'est difficile, hein? À traduire aussi, si tu veux. Ouais. Tu sais, Jerry Garcia, peut-être qu'on le comprend parce que c'est le nom de quelqu'un, Jerry, puis je pense qu'on sait que le mot cerise, c'est ça. Ben, peut-être aussi qu'on. En général, on parle quand même plus anglais ici que, je sais pas, n'importe quel autre pays. Là, c'est vrai. Je parle pas anglais. Mais il y a un problème avec Chunky Monkey lorsque c'était lancé au Japon. On se demandait si ça contenait de la viande de singe. Premier degré, un peu. Hey boy. Hein? Premier degré. Mais Chunky Monkey, non, il n'y a pas de singe. Non. Certain. Okay. Selon Ben & Jerry's. C'est, la source est Ben & Jerry's. Le bacon dans la crème glacée, ça fonctionnera pas. Oh. Non. C'est parmi les choses les plus demandées chez Ben & Jerry's, mais on verra pas ça parce que les usines de Ben & Jerry's, savais-tu, sont cachères. Ah! Ah ben! Non, donc il n'y aura pas de bacon là-dedans. Il n'y aura pas de kale non plus. La compagnie a une longue liste de fournisseurs pour le chocolat, le caramel. Il y a même une plus longue liste de... Dans le fond, de compagnies qui essaient de leur vendre des ingrédients dans une pinte pour mettre dans une pinte de crème glacée, dont des vendeurs de chips, des croustilles de kale. Même si une personne qui travaille chez Ben & Jerry's a fait une batch, comme ils disent, tu sais, ils disent des batchs chez Ben & Jerry's, c'est marqué sur le couvercle, le batch limité. Mm-hmm. Bref, ils ont fait un test avec du kale. Schimoller dit que à l'ultime, personne ne voulait s'asseoir avec une pinte de kale Ben & Jerry's. Donc, si vous lisez ça, gens qui s'occupent de nous vendre du kale, on n'achètera pas finalement, dit-il. Voilà. Oh, j'aurais aimé ça goûter, moi. Ouais, parce que mélanger dans le saveur, c'est de pas goûter le kale tant que ça. Non, ça doit être vert, ça doit être beau. Ça doit être très beau. Et t'es pas nécessairement obligé d'écrire tous les ingrédients sur la pinte, mais j'imagine que quand tu lis en bas de la pinte de Ben & Jerry's, il y a tout le temps la liste très très longue, souvent sur 2-3 lignes d'ingrédients. Je pense qu'ils listent pas mal tous les ingrédients par principe. Ben, t'as pas le choix. Non, mais à l'avant, genre en dessous du nom. Pas okay, dans les okay, ingrédients, okay. Mais à l'avant, c'est marqué un mélange de chocolat et de tourbillon, de caramel, etc. Ah okay. Oui, mais si on veut le savoir. On veut le savoir avant de l'acheter, ça. Et les ailes buffalo, tiens. Des ailes buffalo, ça, par contre, ça pourrait arriver. Arc! Ouais. On aime le sucré, on aime le crémeux, on aime le froid. Ben, c'est pas obligé d'être seulement crémeux, sucré et froid. Crémeux et froid peuvent être savoureux aussi. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura une crème glacée aux ailes buffalo. Oh, je suis pas sûr. Moi non plus, pas sûr. Mais bon. Donc, ça, c'était la liste des crèmes glacées, Ben & Jerry's. Des listes liste de choses à savoir sur la crème glacée. Je pense qu'on s'est bien amusé. Ça va aller pour ça. Et on rêve tous d'un emploi chez Ben & Jerry's. Ah, si seulement, si seulement. Ouvrez-en un à Trois-Rivières. Juste pour le fun. Juste pour faire la compétition. Non, mais moi, je parle dans la grosse usine. Ah, ouais, ouais. Le gym, le thérapeute. Ouais, parce que ça, ils font les recevoir en boîte, j'imagine. C'est un peu plate, ça. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. Le lien est sur assemblagerequis.com. Nous, on prend une pause et au retour, on va continuer avec d'autres affaires. Un paquet de trucs. En fait, je pense qu'on va continuer dans la nourriture. On continue avec d'autres affaires. Ouais, ouais, d'autres affaires, mais culinaires. Pas bien. Ah, OK. Ouais, ouais. Après la pause. Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Hein. Fou de passion. C'est fou, 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. En ce mardi matin, on est le 31 mars. Elle est Stéphanie Paradis. Monsieur Mathieu Blanc. Uh-huh. Dans quelques instants, on va pénétrer sans Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luitre, mm-hmm. Quelques instants. Mais avant ça, on écoute une très très courte, très efficace pièce de Halo Trons. Voici Animal, I Love You. Animal, I love you. You don't feel a thing when I hurt you, babe. Hello Johns à Assemblage Requis. Ah oui, j'aime les animaux, t'aimes les animaux, on aime les animaux, on aime aussi chacun des petits animaux qui font partie de la Ligue d'improvisation. Oui! C'est la huître, voici dans les coulisses à la huître. Habituellement, on recevrait Gabriel Béhoud. Par contre, même si ce gars-là est très, très drôle et des fois impertinent, c'est aussi un enseignant. Ah! Il y a des cours. Bizarre. Ouais, ça fait pas parler dans ma tête, mais bon. Donc, Gabriel qui n'est pas là aujourd'hui, mais par contre, on va pouvoir parler quand même du match qui a lieu hier. C'était la première demi-finale, Steph, hier. OK, ouais, c'est déjà commencé, ça. C'est commencé, là. Après ça, on prend un congé la semaine prochaine. On revient avec une deuxième demi-finale, puis la finale. Mais parlons d'hier pour commencer. C'était un match, donc, entre les rouges et les oranges. Mm-hmm. Ça, c'est les équipes qui sont respectivement, je crois que c'est première et troisième. Non, deuxième et troisième. Ensuite, ça affrontera la semaine prochaine la première et la dernière place, donc les verts et les bleus, tu comprends. Le match était arbitré par Mme Élodie Mongrain qui nous a donné un pacing, que j'appelle dans le domaine de l'impro, un pacing absolument fantastique. Et elle s'est laissée aller, encore une fois, sur les pénalités, presque, peut-être pas à chaque impro, mais il y en avait vraiment beaucoup. Ça a échangé les points d'équipe en équipe pour donner au final un score de 6 à 9 pour les rouges. Uh-huh. Donc les oranges sont éliminés, malheureusement. Oh. Oui, on ne les verra plus jouer. Et d'ailleurs, la joueuse Nadia Tranchemontagne, qui était très, très émotionnelle à la fin du match hier, quand on lui a dit au revoir de l'improvisoire, elle s'est mise à pleurer. Là. Oh. Donc, le capitaine Alexandre Laramie-Zwicky, qui a encore une fois joué les animaux tout au long des improvisations. On a même fait une improvisation à la fin. Elodie a donné comme thème, c'est un au revoir pour une dernière fois. C'était pour une dernière fois. Donc, les joueurs des Oranges ont joué les joueurs des Oranges dans leur propre rôle après leur dernier match d'impro de la saison. Uh-huh, de la saison uh-huh. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre. Donc, ils ont imité un paquet d'animaux parce que c'est ce qu'ils ont fait tout au long de la saison. C'est très drôle. Donc, Alexandre Laramie-Zwicky, Alexandre Marchand, Nadia Tranchemontagne et Florence Bouvet-Bouchard qui ont joué hier. Alexandre Marchand a fait un discours épique au sujet de des vidéos de chats sur Internet. Ben oui, on reste discours, dans la thématique. Vraiment. Un discours épique, c'est quand tu as une musique épique qui joue derrière toi et tu, ça devient de plus en plus épique. Donc, il a commencé son discours en faisant l'éloge, on dirait, de la masturbation sur Internet jusqu'à ce que le reveal arrive où on parlait finalement de vidéos de chats. Excellent. C'était parfait. Donc ça c'était le match d'hier. Le public était pas mal dedans. C'était rempli à pleine capacité. Pas mal la chasse hier je trouvais. Ça va très très bien pour les séries éliminatoires. La semaine prochaine comme j'ai dit, c'est le congé Pascal. Donc on prend une pause d'une semaine pour revenir après ça le 13 avril avec la demi-finale entre les Verts et les Bleus. J'ai hâte de voir ça. Le capitaine des Bleus a co-animé avec moi Vincent Rainville. Hier, il était très très fort sur les jeux de mots. On espère qu'il va être aussi en forme lors de son match du 13. Et le capitaine des Verts, c'est Antoine Lacasse, qui était DJ hier. OK. Donc, il passe de DJ à peut-être gagnant de son affrontement la semaine prochaine, on sait pas. On sait pas parce que les Bleus sont en dernière place. Et tu sais comment ça fonctionne dans les braquettes du basketball, entre autres. On met les meilleurs contre les moins bons, puis le milieu avec le milieu. Ouais, moi le basket, là. Moi aussi, tu sais. Cha-ching. On se comprend. Mais donc, les Bleus qui ont perdu. Je dirais la plupart de leurs matchs depuis le début de la saison. Je vais voir dans le calendrier, ils ont 9 parties jouées, 1 victoire, 8 défaites, les Bleus. Ouch! Ça fait pas super bien, ça, pour eux autres. Donc, ils sont à 2 points en ce moment sur le calendrier, sur le classement, qui est rarement très, très à jour. Mais même s'il l'est pas, on sait que 2, c'est pas beaucoup de points. Non. Et que tu rattraperas jamais la troisième place, qui est 7 points. Mm. Fait que, désolé. Donc ça, c'est le 13 avril qu'on va voir les Verts et les Bleus s'affronter. Ensuite, la finale, ce sera le 20 mars, le 20 avril, pardon. Et c'est aussi le gala des mollusques, où on va donner des prix aux joueurs. Ça va être fait devant public, ça, à la Chasse-Galerie. Match qui est toujours gratuit, toujours à 20h, toujours à la Chasse-Galerie. Sur la semaine prochaine. On peut pas se tromper, là. C'est rare qu'on se trompe. Il y a même une pancarte devant le pavillon pour vous dire c'est là que ça a lieu ce soir. C'était même marqué demi-finale pour être encore plus excitant. Les fans sont vraiment là cette année. On voit les mêmes gens à chaque semaine se présenter. Tout le temps les mêmes visages. Et les gens participent et les gens crient. Les gens rient beaucoup trop fort pour certaines. Les gens boivent. Boivent beaucoup. En plus, qu'on donne de la bière grâce au site de la Chasse-Galerie, on fait tirer ça 2 fois par match. Donc, il n'y a aucune raison de manquer ça les 13 et 20 avril prochains pour la Luitre, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Et on va retrouver Gabriel Béo la semaine prochaine. Ça fait une chronique courte quand il n'est pas là, hein? J'imagine son acolyte aussi va être de retour. Gabriel Boutantrain-Houd, son collègue amorphe, qu'on appelle. Pas animorphe comme les animaux qui se transformaient dans le dessin. C'est pas une, c'est animé. C'est ça avec des humains, ça, je pense, les animaux. C'est pas des livres. Animorphie, genre anime. Ouais, attends un peu. Je regarderais bien. Mais je n'ai pas accès à les internets. Non, c'est ça. Les animorphes, ouais, c'est ça. C'est des bandes dessinées avec des enfants qui se transforment en. Mais il y a eu une émission de télé aussi là-dessus. Je pense là. Que oui. Ouais, pas mal sûr. C'était vraiment mauvais. On va chercher juste à voir TV. Oui, il y a ça. Puis on voit même la distribution sur la caméra 3, attention. Ah, c'était bon. C'était parfait. Je me rappelle pas d'avoir vu l'émission de télé. Non, c'était... Rien de remarquable. Non, pas vraiment. C'est Nickelodeon. Ah ouais. Autre émission pour enfants, mettons, que t'aimais bien, qui faisait un petit peu genre, comment dire, typiquement adolescent à l'époque, peut-être... Adolescente? Ouais. Jeune adolescente, tu sais, mettons, des Fais-moi peur, pis des trucs que tu veux être rebelle. Non, j'écoutais pas ça. Non. Pour vrai, dans cette période-là, je pourrais pas te dire. Il y a comme un creux entre mon 2, 3, 4 ans. Ouais. Pis mon 14, 15 ans. Ouais. Mais Charles de Poule, non? Non, j'écoutais pas ça. Ça, j'aimais ça, Charles de Poule. Ça m'allumait pas. Non. Moi, j'étais, tu sais, les zigotos. Ouais. Mais ça, c'était encore enfant, avant, ça, là. Ouais. C'est genre première, deuxième année. Ouais. Fallait pas que je manque ça. Je revenais de l'école à la course pour pas manquer mes zigotos. C'est clair. Les heures de diffusion des émissions pour enfants ont toujours été à des heures où tu te dépêches pour revenir chez vous. Ouais. Ça a toujours été ça, les émissions. Mais justement, c'est bon, dans le fond. Les enfants, ils traînent pas des rues pendant ce temps-là. Ah, c'était ça, l'idée, c'était de balayer les ruelles. C'est ça, les gangs de rue. Les gangs de rue à 7-8 ans, c'est fini, là. Parce qu'on sait que les gangs de rue sont fans des zigotos. Fait que s'il faut que choisissent entre leur gang de rue et les zigotos, ils vont choisir les zigotos. Ouais, mais c'était rebelle, les zigotos. Ben oui, c'est vrai. Avec t'sais, Anne Cazabonne. Ben oui. Ils donnaient des coups de poing, des coups de pied, là. Ouais. Dans la. Comment ça s'appelait, long, là? Il y en a plein sur YouTube en plus. Ah oui? Des épisodes complets? Ah oui. Hey, tu sais, ma manie de faire des smooches de mots, là, tu sais, je t'ai raconté mon smoosh de mots. Comme Anne Cazabonne Jovi. Ce serait drôle, ça. Anne Cazabonne Jovi. Ça en serait un smoosh de mots. Je me demande quel genre de tune ça donne. Je sais pas. Les zigotos rock. Les zigotos rock. Eh boy. Eh ouais, c'est tellement rock, Bon Jovi. On se décrotte les oreilles, on a l'air de vrais fous, on est tous pareils. On est les zigotos rock. Je rajoute les rock à tout. Rock. C'est ça, rock. Okay. On se décrotte les oreilles, rock. Bon, donc c'est tout pour dans les coulisses de la huître. C'était vraiment rapide. C'est pour ça que j'ai mis une chanson rapide au début. J'aurais dû la mettre à la fin, ça fitait encore plus. T'sais. Ah! Ah, mais non, mais non. Mais non, super longue, là, genre 12 minutes. En veux-tu une de 7 minutes? T'en as-tu une de 7 minutes ben à me proposer? Moi, j'ai tout le temps quelque chose de stock, je suis tout le temps prêt, moi. Un vrai scoot. On s'en va entendre Napalm Pam. On l'écoute jamais parce qu'encore une fois, elle dure presque 8 minutes. Et c'est la pièce 8 du CD, donc j'imagine que c'est pour ça. C'est la pièce Seamstress de Napalm Pam sur C'est fou, dans vos oreilles. Anne Casabon-Jovi, non, c'est pas vrai. C'était Napalm Pom et la pièce Seamstress à Assemblage Requis. Tantôt, on était dans Son Foutu Palmarès et je me suis dit qu'on y retournerait, mais sans l'intro. Donc, c'est toujours Son Foutu Palmarès. Et on y va cette fois-ci avec 10 nourritures régionales que vous devriez essayer. C'est le fun des fois de parler de nourriture, c'est le fun de se mettre dans l'appétit pour la chronique de Master Steph tantôt, donc c'est ce qu'on va continuer avec quelque chose entre autres dans le palmarès qui va s'appeler Garbage Plate, ce qui me donne envie vraiment de faire cette liste-là. Ah ouais? Donc région par région, état par état, ville par ville, chaque endroit local peut avoir sa propre spécialité. Ils essaient évidemment de faire le plus, pas nécessairement dégueulasse possible, mais le plus différent possible pour attirer un peu les regards. Par exemple, si on va en Alaska, on a un hot dog au petit renne. Reindeer hot dog. Oh, melou! Ouais, on veut pas de ça! Donc, c'est une question de ressources. Qu'est-ce que l'Alaska a que le reste des États-Unis n'a pas? Ben, c'est la neige. La neige, en effet. Non, c'est une grande population de caribous. Oui, il aurait pu faire des hot dogs à la neige. Il aurait pu faire des. Ouais, j'avoue. Mais sauf que, ouais, j'avoue que ça devient mou un peu des fois. C'est peut-être froid. Brain freeze de hot dog, jamais. jamais eu envie de ça. Donc, le reindeer hot dog, comme votre saucisse normale, mais fait à la place du bœuf ou du porc, c'est fait des créatures qui tirent les traîneaux du Père Noël, donc du caribou, entre autres, et des oignons. Glazed, c'est quoi? C'est glacé, hein? Moi? Ouais. Moi, caramélisé, probablement. Ouais, probablement, donc des oignons caramélisés comme ça. Les foodies pointent donc le Emmy's Gourmet Dogs à Anchorage, en Alaska, comme place principale. C'est un petit stand pour avoir un reindeer dog. Et deux compagnies de l'Alaska fournissent cette viande très prisée. Ça fait tranquillement son petit bonhomme de chemin dans les 48 états du bas des États-Unis. Donc, si vous voulez éviter le voyage en Alaska, vous allez peut-être pouvoir en trouver ailleurs aux États-Unis. C'est des reindeer dogs! Ensuite, les fry bread tacos dans l'ouest des États-Unis. Connus surtout par le nom un petit peu moins approprié de Indian tacos. Hein? Donc, c'est favori du sud-ouest des États-Unis. C'est rempli d'histoires amérindiennes. Donc, les ingrédients de taco sont les mêmes qu'à l'habitude. Donc, le bœuf, le fromage, la laitue. Mais la coquille, le shell, est ce qui différencie des autres. Donc, le fry bread traditionnel vient de ce qu'on a... ça vient de ce qu'on appelle The Long Walk, qui est une relocalisation forcée des Amérindiens dans l'ouest des États-Unis jusqu'au Nouveau-Mexique au milieu du 19e siècle. Alors que seulement qu'il y avait des rations sur plein d'affaires, entre autres la farine, le sucre, le lard. Donc, c'est ce qu'on a commencé à utiliser pour faire du fry bread. Donc, ça reste populaire dans la culture amérindienne aujourd'hui. Et c'est apparemment délicieux, même si c'est pas très bon pour la santé. Ça ressemble pas vraiment à un taco parce que ça ressemble plus à une genre de crêpe épaisse et aplatie. Ah ouais, une grosse pancake. Une grosse pancake avec dessus les garnitures traditionnelles. De la crème sûre sur le dessus. Ça, c'est bon. Des petits piments forts. C'est bon, ça aussi. T'aimes ça? T'aimes pas les piments forts? Ouais, ben. Moi, ce qui est fort, tu sais. Moi, c'est drôle, à chaque fois que je vais, tu sais, on a parlé précédemment, aujourd'hui, dans la chronique précédente, que la cafétéria n'avait pas beaucoup de saveur dans sa nourriture. Mm-hmm. Et à chaque fois que je me fais une salade, tu sais, à 13-14 piastres, je mets tout le temps un petit peu de piment fort parce que je tripe piment fort, tu sais. Mm-hmm. Mais les piments forts de la cafétéria, surprenamment, sont extrêmement forts. Ah! Ça m'a surpris. Ils sont vraiment, vraiment, ouais, vraiment forts. Ouais, mais c'est parce que c'est pas eux autres qui les ont assaisonnés. C'est ça, c'est pas leur faute, c'est par erreur. Et ensuite, le food drunk en Nouvelle-Orléans. Food drunk. C'est un gâteau, un king cake, si on veut, qui n'est pas originaire de la Nouvelle-Orléans, même si c'est très populaire lors des Mardi Gras. Le king cake burger, courtoisie donc d'un food truck, qui a eu une bonne idée menant vers le Mardi Gras 2014, juste avant le Mardi Gras 2014. C'est une vraie tradition maintenant. Donc, c'est ça, attends un peu. Il est compliqué, ça, là, aller, hein. C'est comme un cheeseburger sur un king cake bun, donc sur un pain spécial. C'est comme un genre de... Ça a l'air un peu... On dirait les pains bretzel, on dirait un beignet en même temps. Ah, c'est bizarre. Hein? C'est un peu étrange. Par-dessus, il y a comme un œuf garni de paquets d'affaires. On va voir si la description détaille un petit peu plus. Donc, c'est du sucré rencontre le salé. Ils ont eu l'idée après quelques verres, donc ils avaient bu beaucoup d'alcool, d'où le nom de food drunk. Donc c'est ça, si vous vous paradez lors du Mardi Gras en Nouvelle-Orléans, vous allez peut-être pouvoir procurer ce hamburger-là, un genre de cheeseburger aux œufs, sucré-salé. Ça a l'air étrange, c'est pas super détaillé comme... Mais là, est-ce que t'as dit depuis 2014? Ben, c'est ça, donc il y a eu une petite idée entrepreneuriale juste avant le Mardi Gras 2014. Ouais, mais ben, on n'appelle pas ça une tradition quand non. Ça fait juste une fois. C'est comme la nouvelle tradition. Peut-être que depuis ce temps-là, il en sert beaucoup. Au Mardi Gras. Même pas au Mardi Gras. Ouais. Je sais pas, j'avoue que c'est pas mon paragraphe préféré. On continue avec le Heady Topper Beer. C'est une sorte de bière dans le Vermont. Une bière tellement rare, tellement goûteuse, qu'elle inspire des pèlerinages et du marché noir. La Heady Topper, c'est une Double India Pale Ale d'une brasserie du Vermont, une brasserie familiale qui s'appelle The Alchemist. Plusieurs des meilleures brasseries de l'État, donc il y a 6,2 brasseries par 100 000 adultes dans le Vermont. Ils sont deuxièmes aux États-Unis en 2013. Donc The Alchemist est sûrement la plus connue du groupe, mais produit seulement une petite quantité de Heady Topper à chaque année. Il limite ses clients à une caisse par achat. Le hop, je me rappelle tout le temps pas c'est quoi le hop. C'est le O. Comment, excuse-moi? Le hop, c'est le hop. O. Le hop, non, c'est ça. Mais ceux qui connaissent la bière connaissent, non, absolument pas. Mais je me rappelle jamais de ce mot-là, pour vrai. Je vais le chercher, ça va prendre 3 secondes, là, juste pour que j'ai pas l'air trop fou. Je parle en plus que 2-3 secondes, mettons. Pas le max que je veux faire. Houblon, voilà, houblon. Ah. Ce nom-là ne colle pas dans ma tête, absolument pas. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? On parlait de houblon. On était en train de dire, c'est ça, qu'il y avait du pain. Pain. OK, ce okay. Pain-là, ouais. L'arbre. Grapefruit, c'est du... Pamplemousse. Pamplemousse. Exactement. Donc, c'est considéré par plusieurs qui connaissent ça comme la meilleure bière au monde. Ça a développé... les gens suivent ça comme un culte, si on veut. Et ça contribue à l'industrie des bières de microbrasserie qui vaut 200 millions de dollars. Et puis, ça pompe de l'argent dans l'économie du Vermont à chaque année, tout ça. Mais là, avoue que ça donne le goût d'aller goûter. Pour vrai, moi, tu me dis pamplemousse, puis tout de suite... Oui, déjà, en plus... Ouais, vraiment très bon. Ensuite, faut que la sirote celle-là, par exemple, faut pas ta cale. J'en aurais envie de la siroter avec une paille. S'il y a du pamplemousse dedans. Why not? Ensuite, Rocky Mountain Oysters. Mountain. Rocky Mountain Oysters. Dans l'ouest des États-Unis encore. Donc, les fermiers de l'ouest des États-Unis sont très débrouillards. Certains sont aussi, la frugalité. Quand t'es, des fois, ça peut être cheap, mais frugalité, ça peut être aussi j'économise de l'argent pour pouvoir avoir plus d'argent pour permettre d'autres affaires. Ça veut pas nécessairement dire cheap. Bref, ils veulent pas laisser les restants de testicules après la castration les mots aujourd'hui. Bull, c'est taureau. C'est ça? Non. Non, c'est pas ça là. C'est non, pas un buff, c'est un. Voyons! Hey, on n'est pas bon en français aujourd'hui, là. Traduction, c'est allez. En anglais, je suis pas bonne. Non, ouais, c'est ça, mais on se comprend. Bon, c'est un taureau. C'est ça, un taureau. C'est ce que me dit Internet. Ouais? Ouais. OK. Donc, un buffle, buffle ou un taureau? Apparemment que c'est dans la même famille. Ouais, mais un buffle, c'est un buffalo. C'est ça. En tout cas. Donc, après la castration... La ville. Après la castration du taureau, les testicules, on veut les garder. Donc, c'est une pratique maintenant courante. Ce qui ne se fait pas donner aux chiens, parce que les chiens sont nourris de ça sur la ferme. On va les trancher et on va les frire. C'est devenu donc une collation régionale préférée du coin. Selon le Modern Farmer de 2013, ils ont fait un profil de ces testicules délicieuses. Certains croient même que le Montana, mettre l'accent sur la bonne syllabe. Montana. C'est l'accent sur la bonne syllabe. Le Montana. Montana Tendergroin, ça me fait rire. Anna Montana. Donc c'est un des noms les plus colorés pour cette collation là. Donc ça donne aux hommes un petit boost à la Viagra. Viagra? Wow. Pourquoi? Viagra? Pourquoi pas? Ensuite le Hot Beef Sunday de l'Iowa. Hein? Donc des millions de bovins contre ça, qui génèrent des milliards de dollars pour l'économie de l'État. Le bœuf en Iowa, c'est très très sérieux, mais pas si sérieux qu'il pourrait pas y avoir aussi un dessert de fait par rapport à ça, même si ça n'a absolument aucun rapport, que c'est juste bizarre à voir. C'est un favori dans les foires, les petites state fairs, donc les expos si on veut. Donc le Hot Beef Sunday, c'est un petit peu de patates pilées qu'on cale complètement dans de la bière. Beef tips, je sais pas ce que c'est exactement beef tips. Ah ouais, je suis déjà pas super convaincu. Non, hein, et de la sauce brune. Un petit sprinkle, une petite garniture de fromage en copeaux, hein? Et une tomate cerise sur le dessus pour remplacer la cerise du sundae. Donc on imite un hot fudge sundae avec le hot beef sundae. Ah. Ouais, donc c'est pas nécessairement un délice, mais on dit que c'est populaire dans le Midwest américain. Tellement que le Iowa Beef Industry Council offre ça comme recette recommandée sur son site web. Wow. Ensuite, la Garbage Plate, on va parler au début de la chronique. C'est dans l'ouest de New York. Si vous ne connaissez pas ce bijou de Rochester, de la cuisine de Rochester, New York, demandez-le à n'importe qui est allé à l'université ou peu importe, quelqu'un qui visite l'ouest de New York. C'est un plat donc qui est très, très connu dans la région, surtout à la fin de la soirée, post-bar. Donc, la Garbage Plate, c'est votre choix de viande, traditionnellement cheeseburger, hot dog texan ou encore du porc de la région. Tout ça avec une paire d'à côté. Donc, tu peux en choisir deux, soit des frites maison, des frites normales, des baked beans, des fèves, une salade de macaroni, sinon. Tout ça rempli, garni de moutarde, d'oignons et d'assez de sauce piquante pour faire fondre même la neige la plus froide. Sauce piquante. Et évidemment, celle-là, je vais te montrer la photo parce que c'est quand même... Ça a l'air de poutine. Charmant. On dirait une poutine, en effet. Poutine fancy un peu à la planète poutine, sauf qu'avec beaucoup plus d'ingrédients, évidemment. Comme toutes les poutines du monde ont plus d'ingrédients que la planète poutine. Ensuite, c'est le Hoagie Dip à Philadelphie. Hoagie Grinder Sub Hero. On voit souvent les chips au Hoagie en ce moment et les gens se demandent c'est quoi un Hoagie? Ben, c'est comme un sandwich à la viande... fumé, donc dépendant d'où vous venez, ça peut s'appeler différemment. Ce sandwich-là est quand même assez connu, le hoagie. À Philadelphie, on a trouvé une façon de reprendre le hoagie et de se l'approprier en changeant ça en trempette. La ville, donc, qui a donné naissance à l'Amérique. Blablabla, détail, pas important. Tous les ingrédients du hoagie parfait sont là. Donc, le jambon, la dinde, les viandes froides les plus salées, du fromage provolone, des poivrons et des oignons. Tout ça coupé, haché, et ensuite trempé dans de la mayonnaise et de l'huile d'olive, servi dans un pain vidé. Donc on vide l'intérieur de sa mie. Mamma mia. Donc c'est ça. C'est le hoagie dip. Ça a l'air bon, ça je sais. Ensuite, le hemp milk latte. Hein? Hemp qui est évidemment du chanvre, exactement. Ça je le sais. Oui, moins. Donc, un des deux, là, on est rendu à Washington en passant dans le District of Columbia. Donc, un des deux états et barre oblique district, donc avec la marijuana récréative légalisée à... et donc, c'est aussi là... Alors, on dit que Washington donc, aime beaucoup la plante du cannabis, mais il n'y a pas juste du pot que ça fait du cannabis. Le chanvre peut être utilisé pour plein d'autres choses. Donc, on l'utilise pour faire comme. C'est ça. On produit un substitut pour le lait. Donc, c'est parfait pour ceux qui sont allergiques au lait, peut-être qui ont une intolérance. Donc, pour votre latte matinal, oui, on peut mettre du chanvre dans son café. Donc, café et du lait de chanvre. J'ai justement goûté de la boisson de chanvre en fin de semaine dernière. Oui. Ça goûte pas grand chose. Pas grand chose comme dans. Ça goûte rien ou ça goûte la même chose que le lait normal? Ça goûte juste pas grand chose? Tu sais, genre, non, mais encore moins, tu sais, comme les boissons de lin, les boissons aux amandes. Tu sais, c'est vraiment très, très faible en goût. On s'entend quand on parle du nature non sucré. Ouais. Donc, ça goûte pas grand chose. Ouais. Dommage, voilà. Mais bon. Ouais. Et finalement, c'est le Hawaii, la cuisine régionale d'Hawaï, ça n'a pas vraiment de nom, c'est évidemment à Hawaï, le 50e état, qui a plusieurs repas sur son île, du Ai, Mai Mai, et un truc comme ça. Donc, il y a plus de deux décennies, un groupe de chefs hawaïens a formé l'Hawaii Regional Cuisine, un mouvement culinaire dédié à préserver les nourritures particulières à cet état-là et leur culture de la nourriture. Ça sera que chaque plat est un esprit hawaïen qu'on ne peut pas avoir ailleurs. J'aurais aimé qu'on nous donne une recette parce que celle sur la sur l'article a l'air délicieuse, même si on ne sait pas nécessairement ce que c'est supposé être. Mm-hmm. Mais c'est une recette hawaïenne. Donc allez voir les photos, les ingrédients et tout sur assemblagerequis.com. Et puis peut-être que vous pourrez vous inspirer de ces recettes-là pour vous-même faire une de ces recettes. De la cochonnerie. Une garbage plate, n'est-ce pas? Mm-hmm. La sauce piquante, de la crème sure, n'est pas? Ouf. Le hot beef sundae, jamais. Absolument jamais. Voilà pour son foutu palmarès. Tout à l'heure, on va continuer sur notre lancée de belles petites chroniques maison avec les instructions d'assemblage, mais je vais essayer quelque chose et je vais te forcer à suivre un peu celle-là, je pense. On va voir, là, au moins m'écouter pour me corriger le cas échéant, parce qu'on va faire les instructions d'assemblage Food Edition tout à l'heure. Mm-hmm. Mais avant ça, on prend une petite pause. Assemblage requis, on est ensemble jusqu'à 9h30. Plus tard, restez là pour Master Steph. C'est la raison de ne pas quitter lorsqu'une pub se présente. Master Steph s'en vient. d'originalité. C'est fou, 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à l'émission matinale en pièces détachées, Assemblage requis, à 8h36 en ce mardi matin, 31 mars. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Oui. Tantôt, on a fait un foutu palmarès sur la nourriture de tous les États, des nourritures particulières aux États-Unis. Ça me donne faim. Ça me donne faim encore plus parce qu'on a deux autres chroniques culinaires qui s'en viennent. Mais tant qu'à parler de bouffe, aussi bien écoutez notre classique. On adore cette pièce-là de Le Couleur. Voici, évidemment, Club Italien. Évidemment. Hurry! Et Club Italien, Assemblage requis sur C'est fou. On parle de nourriture beaucoup aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais on dirait que quand on fait Master Steph, ça donne envie de parler de bouffe. Donc continuons avec les instructions d'assemblage. Food Edition. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Ça marche jamais ces affaires, lui. Jamais. Ça marche jamais, mais faut dire que les instructions sont pas super claires dans l'intro, ça. Boulinez-les, j'ai jamais compris. Mais t'as juste à lire les instructions en anglais. Ben voilà, voilà. Parce que normalement, c'est la langue d'origine. Oui. Mais des fois, c'est pas plus clair en anglais. Non. Des c'est fois, genre... ouais. Mais Ikea, là... Les dessins, ça marche. C'est en dessin. Ouais. Ça va super bien. T'as le petit bonhomme avec un point d'interrogation. Hein? What the fuck? Et les outils sont fournis. Ben non, la clé. La plupart des trucs à monter soi-même, t'as le petit... Souvent, c'est cheap. Les petits outils sont cheap, puis ça casse, non? Ça casse, des fois, non. Ça m'a cassé dans la main, moi, à un moment donné. Ben là, ça, c'était pas assez doux. Ben, c'est que j'ai aucun contrôle sur ma force, Steph. Donc, c'est ça, t'es tellement viril. Ben, tiens. Donc, c'est les exclusions d'assemblage. Comme on fait d'habitude, on se présente des conseils pour mieux vivre. Par contre, je me suis inspiré de, à l'automne, quand tu faisais Master Steph, tu faisais aussi des petits trucs à la fin de ta chronique. Oui. Et ça a fini par graduellement s'en aller. Donc, on va faire ça dans les instructions d'assemblage Food Edition. Oh! Bon, c'est classe. Pour commencer, on va se faire du beurre de biscuit à la maison avec seulement 4 ingrédients. T'as sûrement déjà vu en épicerie du spiculoos. Est-ce que t'as vu du spiculoos? C'est pas l'affaire qui te rentre dans... quand tu vas chez le gynécologue. Un spiculum, ça? C'est ça? Je crois pas que ce soit la même chose. Quoique, c'est un endroit que j'aimerais bien visiter quand même. L'intérieur du beurre de peanut, pas ton entrejambe. Non, mais je veux dire, y'a pas juste moi qui vais chez le gynécologue. Non, c'est ça. Donc, cookie butter, Steph, si t'as jamais vu du spéculoos, je te renseigne, c'est tout le temps écrit du cookie butter. C'est comme du beurre d'arachide, sauf qu'à la place, ça goûte le biscuit, puis c'est le délice comme t'as jamais vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une découverte que tu te dois de faire si c'est le genre de choses que tu peux aimer. Évidemment, je te dirais pas quoi faire. Mais ça existe mais ici. Ça existe ici. J'en ai déjà acheté du spéculoos. S C. Je recommence. S P E. Ok. C U L. L O O S. Bon. T'es tellement immature. Vraiment. Donc, cookie butter, spéculoos butter. C'est une des choses qui commence à prendre de la popularité dans les condiments. On appelle rarement ça des condiments quand c'est pour le déjeuner, mais quand même. Donc, si vous avez pas, si vous voulez pas l'acheter vous-même. Vous voulez le fabriquer vous-même, ça se fait. Ça a la consistance, comme on dit, d'un beurre d'arachide, mais ça goûte la cannelle et un peu la pâte à biscuits. C'est vraiment très très cool. Donc c'est A Beautiful Mess qui nous suggère cette petite recette-là. C'est 2 tasses de miettes de biscuits, un demi-bâton de beurre, une demi-tasse de lait condensé sucré, un quart de tasse de lait évaporé et de l'eau au besoin. Ok, donc là, les biscuits, ça peut être les biscuits que tu veux? Ça peut être les biscuits que tu veux parce que c'est ça qui va faire la tartinade, finalement. Okay. C'est ça qui va donner le goût. Oreo, hein? Oui. Ouais, hein? Clairement. Je sais pas si par contre la crème blanche dedans, tu pourrais prendre juste les biscuits d'Oreo. Pourquoi pas? Je sais pas, peut-être que tu peux. Peut-être que tu peux. Dans le fond, faudrait que t'achètes les biscuits pour faire les sandwichs à la crème glacée, là. Ah, oh, waouh, oui! T'achètes ces biscuits-là pour te faire ça. Les petits biscuits qui viennent juste en biscuits dans un grand. Ah, mais ça. Et tout ça, et là, tu sais, vous me demandez, mais où est la recette, là? Recette. Non, mais tu passes au blender. C'est ça dans le blender! C'est juste ça la recette. Puis, tu dis un demi-bâton de beurre. Un demi-bâton de beurre. Ouais, là, il parle pas de la brique, là, fait que j'imagine... Un bâton de beurre, ouais, c'est sûr que tu viens en bâton, là. Fait c'est écrit... C'est en anglais, ou...? L'article est en anglais, mais... Donc, c'est écrit stick? C'est marqué stick à bâton. OK, ça veut dire que c'est un quart de tasse. Ah, OK, pour ceux que ça intéresserait. Ça. Ah, ouais. Parce que les petits bâtons, c'est une demi-tasse. OK, ils sont trop gros. Donc, faut que tu coupes... C'est la moitié d'un bâton, donc c'est un quart de tasse de beurre. OK. OK, parfait, j'en tiens ça. Mais bref, il y a aussi une version Trader Joe's aux États-Unis qui fabrique du spéculoos en eau au chocolat. Donc, eux conseillent aussi le chocolat. Mais magasiner puis trouver du spéculoos, là, je vous le conseille fortement. Ensuite, on reste dans la fabrication de nourriture. C'est plus simple que de fabriquer de la nourriture dans ce cas-ci. C'est de faire des caramels faits maison rapidement et facilement dans le micro-ondes. Caramel, délicieux bonbon. Donc, à la place de sortir le chaudron et de se faire du caramel soi-même, on peut faire du caramel mou et mâchouillable dans le micro-ondes avec très, très peu de temps. En vrai, j'ai des doutes. Ce chaudron, tu le surveilles puis il brûle. Imagine, dans le micro-ondes, tu le surveilles pas. C'est ce que l'article dit. Si tu cuis trop peu, ça n'aura pas la bonne consistance. Hein, pour faire des bonbons, et si tu le fais trop longtemps, ça devient pas mangeable. Mmh. Donc, chez Wonder How To, Naomi Imatome Yoon, qui a une recette très très simple pour faire des bonbons au caramel. Ça prend environ 7 minutes au micro-ondes. Tu fais fondre du beurre non salé. Tu ajoutes un peu de sirop de maïs léger. Ensuite, un petit peu de cassonade, sucre brun. Un peu de lait condensé, tu vois qu'il n'y a pas de mesure là-dedans. Un peu de lait condensé. Et tu vas être prêt à commencer à mettre ça au micro-ondes. Tu vas mettre ça dans un bol pendant environ 6 minutes en vérifiant la consistance et tu vas ajouter 30 secondes au besoin. À environ 7 minutes, tu devrais avoir la consistance parfaite pour verser dans une plaque à biscuits graissée et laisser ça refroidir. Tu peux ensuite vérifier la recette. En fait, tu peux à l'avance vérifier la recette et les instructions sur le lien sur assemblagerequis.com. Et si tu veux de la sauce, si tu veux plus une sauce caramel, tu peux ajouter une canne de lait condensé pour faire du sucre. Liquide à la place de faire des caramels mâchouillables, on se comprend ça. Ça a du sens tout ça? Ouais. C'est cool, hein? Ouais. J'aime ça. Ensuite, on va changer les cannes de bonbons en vodka avec infusion de saveur de cannes de bonbons. Hein? Ouais. Bon, évidemment, peut-être, Noël commence à être loin après 3 mois, mais les cannes de bonbons, tu te tannes, puis il t'en reste, tu sais. Ben c'est ça, c'est sûr que tout le monde y en reste à la maison. Il en reste parce que ça te tente pas de manger des cannes de bois rendues au mois de mars. Non. Donc tu pourrais avoir des restants de cannes. Les magasins ont vendu ça à rabais, tu en achètes une grosse caisse, ça peut arriver. Donc c'est des vodkas avec infusion comme du café ou du bacon, c'est populaire. Il y a même des liens sur assemblagerequis.com pour vous montrer comment faire ça au café et au bacon. Le concept est le même, on va défaire des cannes de bonbons en les pilant pour vraiment faire des miettes de cannes de bonbons. Tu mets ça dans une bouteille avec de la vodka et tu vas laisser ça comme ça. Ça va ramasser avec le temps la saveur de la Pepperman. Hein? Et tu peux utiliser ça pour faire des recettes qui demandent des shooters de Pepperman ou tu peux même boire ça sur glace, on the rocks. En fait, dans le fond, on se prépare pour Noël prochain, là. On laisse veut. Ça infuser jusqu'à Noël prochain. Ça dit pas combien de temps, évidemment. Plus le temps est long, plus ça va faire une grande infusion. Mais J'imagine que ça doit pas être énormément long avant que ça ramasse la saveur. Ça le dit pas dans l'article. Mais bon. Je sais pas, hein. Ça m'intrigue un peu, moi aussi, de savoir combien de temps il faut. On l'essaye. Ben oui. On l'essaye à chaque jour. Un petit shooter de vodka à chaque jour pour voir si ça avance. Tester, exactement. C'est ça. On prend des notes. C'est de même, ça marche. Je cherche pas plus loin. Ensuite, on te conseille de manger comme un enfant pour avoir plus d'énergie à travers la journée, Steph. C'est quoi, faut que tu t'en sacres dans la face, dans les cheveux, c'est ça? À terre. C'est ça qu'ils veulent dire? C'est ça, exactement. Alors, prochain article, ensuite on va y aller. collationner intelligemment, c'est pas juste une question de santé, d'option santé, mais c'est aussi de prendre des collations qui vont te donner beaucoup d'énergie pendant la journée. Mm. Une façon de faire ça, c'est de collationner comme un enfant, un bambin, et de consommer des fruits frais, des noix et d'autres nourritures remplies d'énergie. Qui sont bonnes pour la santé, bien sûr, aussi, mais qui vont en plus te donner de l'énergie. Donc, il faut vraiment focusser avec cette méthode-là sur, dans le fond, qu'est-ce que vous mangez. C'est Faith Durand, qui écrit sur The Kitchen, qui nous explique que votre sélection de nourriture ne devrait pas... Ça devrait inclure seulement des nourritures que vous serveriez à des enfants. Ouais, mais là, on s'entend, là. Est-ce que t'es un père digne ou indigne? Je suis pas père. Dans le sens qu'en tant que papa, je suis pas pire. En tant que papa, ouais. En tant que papa, je suis pas pire, je trouve. Bref, c'est ça, donc des nourritures que vous donneriez à des enfants pour leur donner de l'énergie, donc des fruits, des légumes, des noix. C'est pour ça. C'est trois paragraphes pour dire la même chose, finalement. Mais on se comprend. Ensuite, j'ai les articles comme ça. Synonymes. Il y en a qui ont des crudités, la salade de fruits. Ouais. Bon, le pinot. C'est les articles qui ont un quota de mots, je pense. Ça se peut. Comme dans les journaux, t'sais. Ensuite, on le voit quand on les lit, quand ça se répète. Vous pensez nous avoir, nous, c'est comme nous mettre la berlue, là. Non, passer le pot de... mettre la poudre aux yeux, c'est l'expression que je cherchais. OK. Papa. Donc, une pointe de gâteau à couper avec un couteau chaud va vous faire la pointe de gâteau parfaite. Hein? Rien de meilleur qu'une pointe de gâteau. Mm-hmm. Déjà là, ça commence par une vérité, cet article-là. Mais si tu mets ton couteau dans de l'eau chaude, entre deux tranches, ça va t'assurer que chaque tranche soit aussi belle qu'elle goûte. Oh. À la place d'aplatir le gâteau, ça va flouche après flouche. Mais en fait, je pense que ça va empêcher aussi de que tout la mie du gâteau suive le couteau, puis... Ouais. Que ça effoie, puis que ça fasse des miettes. Mm-hmm. Puis que tu scrapes le côté de ton gâteau. Tellement. Donc, quand tu coupes un gâteau, ben, c'est exactement ce que tu dis. Fait que je le répéterai pas. Puis je pense qu'on se comprend. Fait que je passe au prochain. Pour vrai, je te fais confiance avec l'explication qui est sûrement meilleure que l'article. Coupé du brie hier. Oui. Puis mouiller son couteau, ça empêche que le brie fusionne avec le couteau et avec lui-même. Je dis ça de même. Oui ou non, le brie a tendance à vraiment coller au couteau, puis c'est comme plus, ça devient comme un genre de blob, hein, tout ça. C'est puis ça. Même, aussitôt que la chair se retouche, elle refusionne. C'est fascinant. Ouais, hein? C'est vraiment de la merde. Je sais pas à quoi comparer ça, mais c'est comme couper. Du jello. J'allais dire du jello, mais moi c'est aussi. Pas ça. Un verre de terre, mettons. Non. T'as-tu déjà vu un verre de terre se recoller, là? Non. Non, mais c'est comme couper du brie. C'est comme couper... Quand on va dire ça des verres de terre plus tard, c'est comme couper du brie. Couper du brie, ça fusionne. C'est un peu... J'ai trouvé la comparaison parfaite. C'est un peu comme couper du camembert. OK. Hey, sais-tu quoi, Steph? Ta comparaison, là, je la trouve brillante. Tirais-tu de moi? Non. C'est un jeu de mots avec brie, puis brillante. Je trouvais ça approprié. Ah! Fais-moi en dormir avec camembert. Essaye de me faire un camembert. Oui, bonne. Parce que sinon j'allais dire je sais pas, je cherche et ça. Camembert, un peu. Okay. Ensuite, on reste dans la chaleur. En gardant le café chaud, Et là, vous allez vraiment me trouver cave de vous le dire, parce que ça a l'air vraiment évident, mais de garder votre café plus chaud en passant votre tasse à l'eau chaude avant de mettre votre café dedans. Ouh, hein? Donc, mais un peu comme dans les restaurants qui mettent les assiettes dans le four. C'est exact. Donc, une tasse de café chaude le matin, c'est toujours exactement ce qu'on veut, mais ça se calme, ça refroidit à la température pièce éventuellement. Mmh. Et c'est juste pas pareil. Quand je prends mon café à la chasse-galerie, je vais souvent le prendre pour emporter, parce que sinon, faut que je le boive dans les 5 minutes qui suivent. Ben oui. J'aime pas ça. Moi, j'aime mon café à longue haleine. Ben oui. Et mon haleine à longue odeur de café. Genre. Donc, rien de mieux qu'une tasse de café chaude. Donc, particulièrement l'hiver, évidemment, il fait un petit peu plus froid dans les pièces. Peut-être que votre chauffage n'est pas aussi élevé qu'il devrait ou qu'il pourrait l'être. Donc, on passe l'eau chaude, on remplit sa tasse d'eau chaude du lavabo et on laisse ça tempérer. C'est pas juste une idée de passer l'eau chaude dedans puis après ça, tu te mets ton café. Mm-hmm. L'idée, c'est de laisser tremper pendant que tu attends que ton café fasse son processus dans la cafetière, tu comprends? Donc, c'est The Thag the Barbarian sur Reddit qui nous conseille cette méthode-là, aussi avec son thermos. Donc lui, il y a un thermos qui garde au chaud. Ben oui. Donc il passe de l'eau chaude avant du robinet, il laisse ça sur le comptoir, fait son café, met son café dedans et il reste plus longtemps chaud. Mm-hmm. Même si thermos est reconnu, ça dure un bon, pour vrai, genre 8 à 12 heures chaud. Imagine si tu mets de l'eau chaude en plus. Non, pour 24 heures. Mais si tu fais ton café le matin, tu travailles de soir puis tu voulais juste le traîner avec toi dans ton auto, ça peut fonctionner. Il y en a qui ont besoin de ça, j'imagine. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon à savoir quand même, là, tu sais. Ensuite, utilisez des assaisonnements de ramen pour faire une trempette délicieuse. Ah? Avoue que cela est tentant pas mal. What? La saveur de ramen, c'est quelque chose de magnifique dans la vie. Ramen, c'est délicieux. Si tu fais tes propres ramen avec tes propres assaisonnements, tu peux faire quelque chose de vraiment très très bon qui va goûter pareil comme l'asiatique. Par contre, si vous mangez des ramen achetés en magasin, vous pouvez vous servir de vos petites enveloppes pour faire des trempettes pour des tortillas ou des croustilles. Hein, tout ce qu'on a à faire, c'est domper le paquet avec des ingrédients comme de la crème sûre. Mm-hmm. Ben oui, de la crème sûre. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Moi, je trouve que ça a l'air recommandable. Une petite saveur orientale, mettons, là, de ramen, tu sais, les petits mélanges asiatiques un peu. Là. Ceux qui sont comme plus, genre, à mi-chemin entre les ramen à genre 3 pour une pièce, là, genre pas super bon au poulet, là, et les ramen de luxe de restaurants asiatiques. Entre deux, t'as des petites marques asiatiques dans l'épicerie, dans le coin international. Au lieu de compliments. Moi, c'est là que j'ai pris mes ramen, puis pour vrai, je suis bien content, tu sais. C'est mon plat célibataire, ça. Toi, t'aimes-tu ça, le crème sûre et oignon? Ah ouais? Tu veux-tu comme la recette, la meilleure recette au monde de dip crème sûre et oignon et la plus facile? Ouais? Tu mélanges crème sûre et mayo. OK. Moitié-moitié à peu près. Ouais. Puis tu mets un sachet de soupe de crème de poireau. Ah ouais. Tu mets juste la petite poudre dedans. Tu mélanges ça et ça goûte le ciel. Ah, avec des chips nature, genre. Ah, les chips nature, c'est tellement sous-évalué. Tu trempes ça dans cette trempette-là. Ah ouais. Tu vas te rouler à terre. Je le crois. Malade. Ensuite, ouvrez. Ah, cela m'a fait rire quand je l'ai lu la première fois et tu vois que je le lis la deuxième fois. Tu l'as rien encore. C'est d'utiliser un condom non lubrifié pour ouvrir vos pots qui ont de la misère à être ouverts. Ah, mais pourquoi pas? Why not? Pour vrai. Certains pots, pardon, sont difficiles à ouvrir. Et quand vous êtes mal pris, vous pouvez utiliser un condom non lubrifié parce qu'un lubrifié va juste empirer la situation, je pense. Ça va être juste être dégueulasse. C'est ça, pour vous aider donc à ouvrir le pot. Vous pouvez aussi prendre des élastiques, etc. Donc c'était le mois récemment du Condom Awareness Month. C'est le mois de février qui était le mois national de « je sais que les condoms existent ». Genre, et c'est sur Instructables qu'on cherchait la meilleure utilisation pour cette forme de protection, autre que des relations sexuelles consentantes entre adultes, machin. Donc c'est ça, un condom sur un pot. J'aurais dû y penser parce que c'est vraiment bizarre. Il pénissait comment? Excuse-moi. J'aurais dû y penser parce que je sais pas, c'est vraiment bizarre dans notre douche chez nous. Il y a comme de la pression dans le robinet d'eau froide qui fait que le robinet ne s'ouvre plus jamais. Okay. C'est comme si quelqu'un... C'est comme si Hulk avait fermé le robinet. Et hier, je voulais prendre ma douche. J'étais incapable de prendre ma douche. J'ai été obligée d'attendre qu'un homme vienne ouvrir le robinet. Et j'aurais pu prendre un condom. Oui. Ou un élastique. Oui. J'ai juste tellement pas pensé. Non. Je me suis juste fâchée. Steph, des fois, il faut réfléchir. Non, mais je te jure, j'étais à deux mains pendant 5 minutes sur le robinet, j'étais incapable. Vraiment, là, puis moi qui ai de l'orgueil, là, c'est très frustrant. Hein? Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ouais. Fait que sortir des vieux condoms, là. Me serve un peu. La poubelle. Ouais, c'est ça. Use. La poubelle. Non, mais t'es rince, là, puis tu peux t'en servir après. C'est ce qu'ils disent, hein. Ça, c'est pas dans les esprits assemblages de utiliser vos condoms. Non, c'est pas officiel, ça, là. On y va rebelle. Aujourd'hui, on est rogue. Ensuite, ramenez des patates chips. Tu sais, quand vos patates chips deviennent molles. Des patates chips. Des patates chips, des croustilles. Qui c'est qui dit ça, des patates chips? Ma grand-mère, je pense. Ouais, genre, non. Avec la brune puis des patates chips. Elle dit des patates frites, mais elle dit pas des patates chips. Patates frites, crème à la glace, puis les brune. Ah. On va aller chercher ça dans ma machine en regardant dans le directory, voir s'il y a un numéro pour aller dans un magasin général. Non, mais elle va au théâtre. À vos théâtres. En ville. Ensuite, donc, c'est ça, on est en train de parler de croustilles. Qui est rendu patates chips qui t'est rendu un petit peu molle. On les ramène à la vie en les passant rapidement dans le four. Ça peut avoir l'air, encore une fois, évident, mais des croustilles, c'est une très bonne collation, très bonne pour la santé, c'est sûr. Mm-hmm. Mais une fois molle, c'est plate. T'aimes mieux manger le sac, des fois. Un petit peu de temps au four pour ramener ces croustilles à la vie, à leur précédente gloire. Donc, si accidentellement t'as laissé ton sac de croustilles ouvert dans un climat humide, ben, Colin, ça, c'est plus bon après un petit bout de temps, ça. Je peux t'en parler, là, de mon épluchette à bledaine l'année passée, la fin de la journée, là. Les chips, ils... T'étais contente d'avoir un paquet de restants de chips pour le reste de la semaine, mettons, Mais non. Mais non, pas tellement. Non, pour vrai, y a personne qui voulait en manger. Ouais. Donc, chez Wonder How To, on lui recommande de passer ça au four pour se débarrasser de l'humidité excédentaire et ramener le croquant à la vie. Donc, on préchauffe le four à 375 degrés. Et on laisse pendant environ 10 minutes, dépendant du niveau d'humidité. Donc, si vous n'êtes pas sûr combien de temps vous avez, ben vous pouvez les vérifier une fois à quelques minutes jusqu'à ce qu'elles soient croquantes de nouveau. J'imagine que t'attends qu'ils refroidissent, des chips chaudes, ça doit être plus ordinaire. Ça me donne envie. Dans la crème sûre... Chaude? Ouais. Je sais pas. Ben, tu sais, les patates chaudes chez dans un restaurant de fast-food quelconque, numéro 1 partout. On peut aussi faire ça avec des chips tortilla. Dans micro-ondes aussi. L'article est sur assemblagerequis.com. Sinon, je sais pas si tu savais, moi j'ai découvert ça, parce que j'ai un food saver à la maison. Okay, oui, tu sais, pour emballer sous vide, viande et autres. Et tout. C'est ça. Et t'as, c'est magnifique, ça va pas juste sceller leur sac de plastique, ça peut sceller aussi les sacs de chips. Arrête, ben non. Je savais vraiment pas. Et le sac de chips fait que ça fonctionne dans un food saver. Donc, tu pourrais ouvrir ton sac de chips, puis à la fin de la journée, tu pourrais le sceller avec ça. Wow! Puis je trouve ça juste vraiment génial. Ça change une vie, ça, en effet. Tu sais, quand t'achètes chez, dans un magasin grande surface avec emballage multiple, c'est difficile des fois de... Je sais quoi, je trouve. C'est difficile des fois, parce que moi, ça m'a duré... Tu sais, moi, étant, on l'a dit tantôt, un ogre, mon sac de party mix, munchies, m'a duré au moins un mois et demi. C'est gros, là. Ouf! C'est un gros sac. Puis à la fin, il est encore bon. Mais si j'avais duré deux mois, peut-être qu'il serait devenu mou. Puis peut-être qu'un food saver m'aurait sauvé. Ah, c'est vraiment génial. C'est la vie. Ensuite, on vous recommande de planifier des repas plus rapides et non pas juste moins chers pour économiser de l'argent quand vous cuisinez. Cuisiner à la maison, ça peut vous économiser de l'argent par rapport au restaurant, bien sûr, mais essayez de briser l'habitude du fast-food. Si vous essayez donc de briser l'habitude du fast-food, planifiez vos repas pour qu'ils ne prennent pas trop de temps. Ou sinon, vous allez revenir au service à l'auto assez rapidement. Le blog de finances personnelles MoneyNing explique donc qu'une grande part de la raison pour laquelle on mange à l'extérieur, c'est pas parce que c'est pas cher, mais parce que c'est rapide. J'en suis témoin. Oui. C'est parce que ça me tente pas de faire à manger parce que j'ai une demi-heure de soirée puis ça me tente pas. Donc c'est ça, de faire des repas rapides. Si vous voulez commencer à faire des repas à la maison, chaque repas devrait prendre beaucoup moins de temps. Donc, on devrait non pas nécessairement juste changer de budget, dans le fond. C'est ce qu'on essaie de dire par rapport au fast-food. C'est pas juste de changer de budget, mais de changer les repas que vous faites pour qu'ils prennent moins de temps. C'est à peu près le conseil. On nous suggère, il dit qu'il aimerait mieux, la personne sur le blog dit « J'aimerais mieux augmenter mon budget d'épicerie de 100$ que de dépenser 200$ sur du fast-food. » Donc, tu économises quand même de l'argent en prenant des repas moins durs à faire, moins chers et tout le kit en même temps. Quand même. Ils disent aussi que le fast-food fait rarement de bons restants. C'est vrai que les restants de fast-food, c'est pas toujours aussi bons. Donc, peut-être mieux de dépenser plus en épicerie, mais de faire des repas rapides ou peut-être des repas préfaits. Ça peut vous économiser un petit peu d'argent quand même. Au moins, il faut être relatif. Là. C'est sûr que si tu essaies de descendre ton budget, tu devrais te faire à manger toi-même. Mais des repas tout faits, c'est déjà moins cher que du fast-food. Mais je sais pas. Un entre-deux. Ça. Parce que dans le fond, je fais toujours le 4 portions. Oui. Donc, on mange finalement 2 portions et 3 portions comme le soir, splittées en deux de façon non équitable. Puis il y a toujours comme un lunch pour le lendemain, fait que ça revient beaucoup plus économique de faire ça comme ça. Parce qu'on s'entend, si t'achètes une boîte de spag, ben elle te coûte pas plus cher d'en faire pour 4 que d'en faire pour 2, tu sais. Fait que tant qu'à ça. Parce que souvent, même si t'en fais pour 2 ou pour 1, ben t'en restes des ingrédients. Donc tant qu'elle les perd puis elle peut savoir quoi faire, ben multiplie la recette, ça fait plein de lunch puis c'est très bon puis c'est encore plus rapide. Très bien dit. Puis moi j'aimerais ça quand tu fais 5 heures d'une job et à la place de donner ton 4%, te donne ton 4 portions. Oh miam. De gâteau. Tu peux choisir 4 portions de quoi? Ouais. OK. C'est tout pour les instructions d'assemblage. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Bon, on finit ça avec 4 portions de gâteau. C'est 4 portions. C'est parfait. C'est pas ça. C'est ça dans le guide alimentaire canadien? Je fais ça. Le guide alimentaire canadien. Ouais. Ça, c'est le guide des guédailles. ça c'est combien de... Non, je pense que j'irai pas jusque-là. Non, vas-y pas. Puis j'ai aimé ton concombien aussi. C'est une joke de bouffe. Concombien. Concombien. C'est pas des gens qui viennent de la Colombie, ça? Je pense que ça se peut. Concombien. Des guédailles de concombien. Ouais. Ça finit drôlement cette chronique-là, je trouve. Je pensais pas me rendre jusqu'à autant d'humour à la fin de la chronique. Instruction d'assemblage Food Edition, tu sais. On est rendu à prendre la pause de 9h et au retour, c'est Master Steph, le but de la journée. Ça s'en vient dans quelques minutes, instants. À Assemblage Rocky, restez là. Food Folk. C'est fou. 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On rappelle qu'elle s'appelle Stéphanie Paradis. Et que lui, c'est Mathieu Plante. Et que à chaque semaine, les mardis, on a une chronique culinaire, une chronique alimentaire. Et on les fait en bascule, si on veut. Hein? En bascule, comme dans une fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. Ah, deux, okay. Deux, trois fois c'est l'une, une fois c'est l'autre. On la prend quand ça passe. C'est le moment, attention, tant attendu, de Master Steph. Steph. La chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net! Yeah! Mathieu! Steph! Ça a l'air que c'est Poke qui s'en vient. C'est Poke, oui, comme sur Facebook. Poke et Poke back. C'est ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un spécial de Poke cette wow. semaine? Mais un spécial de Poke de Master Steph, c'est quoi? Tu sais, c'est quoi Master Steph? Tu te mets le doigt sur plein d'affaires. Puis, comme dans Poke, hein, j'imagine que tu t'es mis le doigt dans différentes nourritures, tu les as goûtées pour faire une recette avec. Direct dans ma bouche. Dans ta bouche. Puis là, faut qu'on goûte. Là, de... Puis là, dans faut qu'on bouche. Goûte. Ça pourrait être le nom de ta chronique aussi. Puis là faut qu'on goûte. Master Steph, moi, je vous présente une recette que j'ai trouvée sur un blog random sur Internet, généralement en anglais. Ouais. Je te dirais tout le temps en anglais. Tu fais travailler le cerveau un petit peu, là. Mais c'est parce que c'est le fun des affaires en anglais. Pour vrai, tu sais, parenthèse, mais c'est bien plus le fun de parler d'affaires en anglais parce qu'en français, tout le monde les a vu passer. C'est ben, plate, c'est pour vrai, là. Honnêtement, tu sais, tu trouves des recettes originales, ben, c'est américain. Ben, c'est ça. Puis ils sont souvent. Tu veux garder des affaires décadentes, ouais. Des affaires décadentes, là. Puis tu sais, trois fois par jour, là. Ouais. Elle n'a pas rien inventé. Non, elle s'inspire de pas beaucoup de ces trucs-là, là. Ben oui. Mais avec des petites variantes un peu plus santé généralement que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai reçu son livre en cadeau et je capote bien raide. Ouais. Je l'adore. Puis elle est grosse, lèvres. Je sais pas, c'est, j'adore le livre, j'adore pas Mary. Ah, excusez-moi, j'avais entendu lèvres. Non, c'est le livre, excuse-moi. Ouais, j'ai acheté son lèvre. J'ai eu ses lèvres en cadeau. C'est bizarre. Hein? Mais elle a juste trois paires, fait qu'à un moment donné, c'est quand même limite, là. T'as raison. Donc, si vous voulez suivre la recette avec nous aujourd'hui, c'est simple. Je sais pas si Mathieu le fait. Non, mais je vais à l'instant. Donc, tu vas aller faire ça. Ben oui. Tu vas aller publier actuellement, là, en ce moment, live. Les photos pour ça, la suivre la recette avec nous. Donc, c'est tout simple. Vous allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis et ça va être sur le fil d'actualité. Ça devrait être en ordre. Donc, si ça commence avec le produit final, vous allez le voir. Je peux pas croire que vous allez pas comprendre que c'est pas le début de la recette. Es-tu en train de les traiter de cave, hein? Non, je suis en train de leur dire qu'ils sont perspicaces. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme recette cette semaine, Mathieu? Eh bien, ce sont des brownies cream egg. Oh! Spécial poke. Hey. Donc, mais, détrompe-toi, il n'y a pas de cream egg à l'intérieur. C'était à saveur de inspiration 2. OK. C'est dans quel album photo? Excuse-moi, juste pour être sûr de suivre. Master Steph. Tu les as mis sur ta page de toi? Parce que j'y cherche, je les trouve pas. Tu les as dans ton airdrop, Mathieu. Ah, c'est ça qui s'est passé, c'est ça. Il me semblait aussi. Merci, Steph. Ouais. Désolé pour la parenthèse plate de même. Donc, ça devrait arriver sous peu. Ouais, c'est ça. Donc, écoutez-moi là, quand même. Écoute-moi, Mathieu, les ingrédients, si jamais tu voudrais les refaire à la maison. OK. Donc, c'est quand même très économique si on a tout ça à la maison déjà. Hey, sinon, ouais. Y a quand même, ben oui. Sinon, il y a quand même beaucoup d'ingrédients, là, honnêtement. Mais moi, c'est tous des trucs que j'avais. C'est économique d'acheter un bateau aussi quand t'en as déjà un. Je trouve ça drôle. Donc, ça va. Premièrement, pour les brownies, ça prend 2/3 de tasse de farine, 2 cuillères à soupe de poudre de cacao, 1/2 cuillère à thé de sel, 6 onces de chocolat au lait, 1/2 tasse de beurre non salé. Donc, ça, c'est un stick, un bâton. Ça prend 1/4 de tasse de sucre granulé, 1/2 tasse de cassonade tassée, 2 œufs à température de la pièce légèrement battue et 1 cuillère à thé d'extrait de vanille. Donc tout ça, c'est seulement pour les brownies. Ensuite, pour la crème, parce qu'il y a plusieurs étages, ça prend 1/4 de tasse de sirop de maïs, 2 cuillères à soupe de beurre non salé à température de la pièce, 1/2 cuillère à thé d'extrait de vanille, 1/8 de cuillère à thé de sel. On peut aussi dire une pincée, là, au niveau feeling, ouais. Là, 1/8 de cuillère à thé. Et 1 tasse et demie de sucre en poudre. Et finalement, dernier étage, pour le glaçage, 3 onces de chocolat au lait. Là, si vous savez pas, c'est quoi 3 onces? C'est facile, vous allez dans un convertisseur sur Internet, puis vous convertissez en gramme, tout simplement. Et finalement, 2 cuillères à soupe de beurre non salé en cube. Préparation. On commence par préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit et on tapisse un moule de 8 pouces par 8 pouces, donc un moule carré de papier parchemin. C'était quoi le nom de ta recette, mettons? Brownies Cream Egg. Brownies Cream Egg. Parfait. Merci. Donc, dans un petit bol, on va mélanger la farine, la poudre de cacao et le sel. On met de côté, on va y revenir tantôt. Ensuite, on fait fondre le chocolat et le beurre dans un bain-marie, dans un bol moyen. Là, on va mélanger jusqu'à ce qu'on ait une texture lisse. On retire du feu. On ajoute le sucre granulé et la cassonade. On va battre dans notre chocolat. Et ça va fondre. Donc, on attend que le sucre soit un peu... dissous. Et on réserve jusqu'à ce que le mélange soit tiède. Ensuite, on va battre légèrement les œufs avec la vanille. On va saupoudrer la farine là-dedans. On incorpore le mélange de chocolat et on mélange avec une spatule. T'as l'accent aujourd'hui, je sais pas si c'est italien. Hein? Ouais. Je sais pas. Mexicain. Et là, on a notre mélange à brownies. On met dans le moule et on cuit au four de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent en ressorte propre. Ah, ouais. Et on laisse tiédir un peu et on transfère sur une grille jusqu'à refroidissement complet. Ensuite, on doit faire la crème, hein? On a un autre étage, il y a de la crème dans les cream eggs? Je t'apprends oui. Rien. Donc pour la crème, on va battre ensemble le sirop de maïs, le beurre, la vanille, le sel à vitesse moyenne. On ajoute le sucre en poudre, un petit peu à la fois, et on va battre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. Ensuite, on va verser les 3/4 du mélange sur le brownies. On étend, on spread. Ensuite, on ajoute dans la crème qui nous reste dans le bol, on va ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire jaune dans notre crème et on va mélanger et verser sur la crème blanche. Donc là, ça nous donne l'effet œuf. Oui, qu'on recherche. Ben oui. Et ensuite, on va réfrigérer au moins 2 heures jusqu'à ce que la crème soit figée. Dernière étape pour le glaçage. Donc c'est quand même long, il y a beaucoup de refroidissement et de cuisson et tout ça. Et finalement, pour le glaçage, on fait fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Tout simplement, on va verser sur la crème. On étend en une mince couche. On retourne au réfrigérateur pour au moins 30 minutes ou de préférence toute la nuit parce qu'il paraît que le brownies est meilleur le lendemain. La nuit porte conseil pour le brownie. Exactement. Donc, moi, pour la cuisson, mon brownies était encore semi-liquide après 25 minutes. Okay. Donc, c'était vraiment pas assez. Je suis allée par tranche de 5 minutes. Ça m'en a pris 35, quand même. Mais même moi, si ça m'a pris plus de temps, je vous conseille quand même fortement de surveiller votre brownies avec amour, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de cuire plus longtemps que de décuire. Et oui. Donc, chaque four est différent, donc on y va toujours avec le temps minimum proposé et on ajoute du temps par la suite. Mm-hmm. Ensuite, pour la crème, plusieurs lacunes, je te dirais, dans la recette. Premièrement, on demande 1,5 tasse de sucre en poudre. Moi, le moteur de mon batteur s'est visiblement et auditivement mis à forcer. Donc, c'était clair que ça fonctionnait pas. Comme quand je fais. Vraiment, tu forces dans le même? Non. Je force pas. Donc, 1 tasse de sucre en poudre a été suffisant pour moi. Au goût aussi. T'sais, j'ai quand même goûté pour savoir si ça goûtait juste le beurre, mais c'était parfait, 1 tasse. Donc, on y va jusqu'à ce qu'on ait la consistance et la saveur désirée. Et qu'on pète pas notre mixette. Ouais. Puis, lorsque vient le temps d'étendre la crème, on se dit, ben voyons donc, il y en a pas assez. C'est pas facile à étendre. Donc, surtout si vous voulez utiliser le colorant alimentaire pour le corps de la crème, vous réussirez pas à étendre le tout adéquatement. Donc, je vous conseille fortement de doubler la recette de crème facilement. Même à l'œil, je me dis, crème, me semble, ça aurait été bon si on avait eu plus. Donc, on se gêne pas du tout pour doubler la recette. Ça va prendre à peine 2 tasses de sucre en poudre, donc ça en prendra pas ben plus. Aussi, mais moi, malheureusement, j'ai pas la petite version œuf dans notre brownies, parce que dans les ingrédients, est-ce que tu m'as entendu dire colorant alimentaire jaune? Non. Il y avait pas colorant alimentaire jaune, donc moi, j'ai lu les ingrédients, je fais « Hey, j'ai ça, il me manque ça, je suis à l'épicerie ». Puis quand t'arrives dans la préparation, soudainement, il te sort de colorant alimentaire jaune. C'est parce que je garde pas ça stock chez nous, là, malheureusement. Donc, on n'a pas le petit visuel qui va avec. Mais bon, la saveur sera pas changée. Ça va pas jouer là-dessus. Mais c'est parce que si vraiment on veut l'effet cream egg, ouais, ça aurait été le fun d'avoir le jaune. Mais malheureusement, ils sont trop tata pour en parler dans les ingrédients. Les biscuits Cadbury avec le petit les Cadbury Cream Eggs, les biscuits en tant que tels que moi j'avais pas aimé à l'origine, apparemment sont de retour et apparemment sont meilleurs qu'ils étaient. Ils ont eux aussi la petite crème à l'intérieur jaune et blanche, mais on s'entend que c'est ça, c'est la même saveur de crème, c'est juste qu'il y a du colorant dans le milieu, j'imagine. Ouais, mais il y a un biscuit puis c'est la même saveur, donc c'est pas bien grave. Voilà. Donc avant de goûter, bien entendu, on s'en va en musique. Et c'est toi qui as quelque chose à nous proposer, je crois. Et c'est de Robot Pop, on s'en va entendre. Tout est bleu, œuf de rouge-gorge. Ça n'a rien à voir, c'est drôle. La nuit s'achève et le brouillard se lève. Bande sonore de science-fiction. Quelle drôle de sensation. S'imaginait que quelqu'un nous observe. De derrière la télévision, voir un chapeau melon. Dans le matin. matin quand tu t'éveilles. Robopop et tout est bleu, œuf de rouge-gorge, dans la chronique Master Steph avec Stéphanie Paradis. C'est moi! Yeah! Ouais. Ça va sinon? Ouais? Ouais. T'es-tu prêt à goûter? Oui, mais ça, je suis prêt à goûter. On goûte cette semaine, cette fois-ci en fait, au Brownie Cream Eggs. Wouhouhou, je suis tout énervée. Donc, que dirais-tu d'écouter l'ouverture de mon plat à sandwich Tupperware dans le micro magique? C'est sûr que le micro magique aime bien ça entendre des affaires. Fait qu'on y met n'importe quoi devant. Hein? Waouh! T'es carré? Cool! Ouh! Donc. Même le micro est impressionné. Ouh! Ouais, c'est beau, tu. C'est je voulais entendre le papier d'aluminium. Ah, ok. Ça, c'est le papier d'aluminium de d'autres mon... choses. Ouais, c'est ça. Ça n'a même pas rapport. C'est de mon pain aux bananes. Ok. Donc, je t'envoie ton morceau. J'ai reçu accusé de réception. Merci. c'est fun de le savoir. Ben oui, ben là. On est 2015 ou on l'est pas, hein? Donc, je te dirais qu'à l'odeur, c'est fucking cochon. Il n'y a rien d'autre à dire que wow, c'est oui. Fucking cochon. Ouais, ça ressemble, ça me fait penser beaucoup à un brownie, parce que c'est un brownie, mais aussi à un Nanaimo, un peu, par moment, par la senteur. À la vue, mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas grand ingrédient non. Comme un... Parce que tu sais que c'est dans mes préférés, les Nanaimo. Parce qu'un Nanaimo, dans le fond, la croûte, ça va être de la chapelure de biscuits Graham avec du cacao, du beurre, de la noix de coco, des noix. et dans le milieu, ça va être genre pudding à la vanille. Aïe, aïe. Avec du sucre en poudre et le dessus de chocolat. C'est trop! Mais ceux-là de ma famille, c'est comme les meilleurs au monde. Oui, en plus, moi. Ouais, en plus, Donc moi je te dirais que ça va être un brownies vraiment cochon parce qu'il y a du vrai chocolat ouais. Dans le brownies, c'est pas juste du cacao ouais. Et c'est quand même quelque chose de consistant hein? Si tu y touches, là, c'est pas un gâteau moelleux là, c'est vraiment un chunk un là. Mur, ouais, un... Oh, ouais. Et tu nous as fait des gros morceaux en plus qui se prennent ouais. Bien par la main. Moi tu m'as donné un coin. Ouais, je t'ai donné un coin. Merci. Je trouve ça bon les coins. Mais hein. Puis t'en as une moins. mais avoue que si tu regardes ça, t'aurais pris plus de crème, hein? C'est sûr que la crème est pas super épaisse. Le brownie est très très consistant, très épais. Mm-hmm. Ensuite, une couche de crème quand même considérable, au moins un bon, c'est peut-être. 5 mm. Ouais, c'est ça, ouais, c'est pas mal ça. Finalement. C'est pas mal l'équivalent. C'est pas mal la même chose. Hein? Et ensuite, t'as une couche de chocolat de peut-être 1 ou 2 mm à peu près, max. Genre. On y goûte? Ah ouais. Go. Ah, c'est en train de se défaire sous mes doigts, ça. Ouais, go. Super bon. Ouais. Ça goûte pas le creamy pantoute, c'est vraiment bon. Ça goûte pas du tout, non, t'as raison. Mais c'est vraiment bon. Ben, oui, un peu. Ouais? Ouais. J'ai pris une grosse bouchée quand même. Et oui, un petit peu. C'est quand même avec subtil. Avec un peu plus de crème, là, ouais. Je pense que ça aurait été... Mettons, le double ou encore peut-être en haut de 7,5 mm. Je dirais. Moi, j'ai pas envie d'arrêter, mais je vais devoir. Mais c'est très, très goûteux, ce chocolat, là. Mm-hmm. Très... Ça se mange bien, le brownie est vraiment, comme je disais, consistant tantôt. Ouais, mais... Ça marche bien, c'est ce que tu veux. Consistant, mais pas difficile à croquer. Tu sais, c'est comme entre le chocolat et le moelleux chocolat. Mm-hmm. Il me rappelle un peu, et dans le bon sens, les brownies à la chasse-galerie du Boc Traiteur. Ça me rappelle un peu ça. Dans la texture du chocolat. Ben, c'est bon. Du brownie, c'est vraiment très bon. Donc, brownie cream eggs. Franc succès. Très réussi. Vive Poke. C'est grâce à Facebook qu'on fait ça, parce que Poke, c'est la fête de Facebook. Oui, exactement. Bon. Hey, Crime, c'est sucré, ça. Hein? Pour 9h21 le matin? On s'attendait pas à du sucré de même le matin, mais c'est tant mieux. On s'en plaindra pas. Les photos pour suivre la recette sont sur la page Facebook. Actuellement, elles ne sont pas en ordre. Je suis en train de faire ça. OK, bah c'est ça. Moi, j'ai juste sacré là, puis tout est remis dans l'ordre, puis tout est... Génial. Sinon, vous pouvez aussi passer par assemblagerequis.com pour retrouver la page Facebook d'Assemblage. Mais essayez cette recette-là si vous voulez des brownies, là. C'est parmi les meilleurs que tu as fait jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu grands échecs, là, mais quand même. Ah, c'est oui, quand même. Hein, le caramel que j'ai brûlé sur mon popcorn. C'est vrai. La tarte au pamplemousse qui ne goûtait pas le pamplemousse. T'as raison. Mais je te dirais que c'est pas mal. Sinon, je te dirais que, tu sais, fudge à l'avocat, c'était super bon, mais c'est pas quelque chose de cochon comme ça. Non. Donc là, j'ai fait des trucs quand même passablement santé. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, je vais me reprendre. Je mets tout le beurre puis le sucre que je peux dans la recette d'aujourd'hui. Ah, c'est réussi, c'est réussi. Moi, je me demande, est-ce que ça me tente de faire quelques petites nouvelles du fast-food? On n'en fera pas beaucoup parce qu'on n'a pas tant de temps que ça en cette fin d'émission. Est-ce que tu te rappelles si j'ai parlé de la tasse de café biodégradable avec des graines à l'intérieur? Est-ce que j'en ai parlé de ça? Oui. J'en ai parlé, enfin, je devais être rendu au prochain, alors. C'était un concept de collation imprimée en 3D. Une des belles choses dans l'impression en 3D, c'est le fait que t'as ça immédiatement. Donc ça prend quelques heures à imprimer quelque chose, même des petits objets, mais... Pas immédiatement. Ben c'est immédiat dans le sens que t'as pas à l'acheter et te le faire livrer. C'est immédiat le futur rapproché. Donc c'est ça, ça va prendre des jours et des semaines, sinon de te faire un article sur Internet. Donc c'est Chloé Rutherveld qui a un concept pour une collation imprimée en 3D qui a l'air de sacrifier l'avantage du temps réel parce que t'es supposé attendre entre 3 et 5 jours après l'impression avant de le manger. Pourquoi? C'est pour que les plantes et les champignons à l'intérieur puissent grandir, puissent pousser. Ah. C'est un concept qui s'appelle Edible Growth. C'est des graines et du yeast. C'est quoi donc yeast? Je vais le chercher. Je sais pas. Je me rappelle pas. Il y a des mots de même qu'on a dans la vie, puis il y en a des fois deux par émission. C'est un blanc. C'est un blanc. J'ai un blanc. Je sais pas. OK. Mais je le sais, mais je sais pas. Je le sais, mais je suis pas capable de te dire. Hey, Colin. Je vais te le trouver là. Attends un peu. J'y arrive. Ah ouais, oui, trouve ça. C'est Internet. Ah ben là. Ça vient. Donc, bref, tout ça est hébergé dans un biscuit. Donc, c'est des différents matériaux culinaires et la bonne imprimante 3D qui sont évidemment de plus en plus disponibles, les imprimantes 3D. Et on va pouvoir se faire imprimer des petites collations. C'est comme des petites boules avec des champignons qui en sortent. Et donc, comme des on dit, ça prend... Des petites boules avec des champignons. Ben oui. Mais c'est pas moi. C'est de la levure, tu dis, c'est en passant. Ah oui, c'est tellement ça. Ben oui, justement. Je suis vraiment niaiseuse. Donc, Chloé dit qu'elle a eu l'idée de Edible Growth donc pour montrer aux gens que l'impression de nourriture en 3D va pas seulement être des gros blobs ou de la pâte qui est pas très attirante à l'œil. Ça pourrait être aussi quelque chose d'esthétique et qui a l'air bon à manger. Ces boules sont quand même jolies, malgré les champignons qui en sortent. Sérieux? C'est qui l'immature entre nous deux? Allô? Non, ça pourrait mener à de nouvelles saveurs et de nouvelles combinaisons d'ingrédients naturels. Voilà, la question est évidemment de savoir si les gens sont capables d'attendre 3 à 5 jours avant de manger. Ensuite, c'est des marshmallow peeps. Tu connais les marshmallow peeps? C'est des petits poussins en guimauve. Bon. Y a maintenant un lait à saveur de marshmallow peeps. Oui, donc c'est quand même quelque chose à conseiller en ce moment pour ceux qui attendent que Poke. C'est Prairie Farms aux États-Unis, bien sûr, qui vient d'annoncer l'édition limitée de lait à saveur de Peeps. Du lait donc, qui va venir à saveur de Easter Eggnog. Tu sais, le eggnog qu'on sert le lait de poule à Noël. Ouais, ouais. Mais version de Pâques. T'as Chocolate Marshmallow, guimauve au chocolat, et Regular Marshmallow. Et tout ça, évidemment, pour vous donner un très énorme mal de ventre à la fin parce que c'est beaucoup trop sucré. Quand j'achète une pinte d'eggnog, et j'en parle à chaque année quand je l'achète, mais je finis pas à peine. J'ai jamais bu ça. C'est ben trop sucré. C'est même pas bon tellement c'est sucré, peut-être dilué dans de la glace puis du lait. Pourquoi t'en achètes? Parce que c'est la saveur des fêtes. Ah! C'est la saveur des fêtes! Voilà, donc du lait à saveur de marshmallow peeps. Ensuite, c'est une brasserie qui a recréé une bière trouvée à l'intérieur d'un bateau, en fait d'un bateau, un shipwreck, là, un bateau en morceaux au fond des mers, qui date d'il y a 172 ans. Ils ont travaillé avec des scientifiques du Leuven Institute for Beer Research, qui est apparemment un vrai institut. Donc, la brasserie Stallhagen, en Finlande, a réussi à recréer une bière à partir de bouteilles intactes trouvées à bord d'un bateau de 1842 trouvées au fond de la mer, voilà. Donc, basé sur les micro-organismes dans la bouteille, les bouteilles, ils ont réussi à trouver quel type de levure et de bactéries étaient utilisées pour faire cette bière du 19e siècle. Les informations leur ont permis de retracer la bière à la Belgique. Un contenu d'alcool de 4,7%, la bière est beaucoup plus sucrée que les bières modernes, étant donné la façon que le malt était produit à l'époque. Cette bière est absolument délicieuse, dit-il, offre au client un goût de l'histoire, dit Stallhagen. Ça ressemble à un champagne avec des petites bulles. Étant donné la façon que c'était fait pour faire une réplique de l'original qui utilisait très peu de houblon, donc c'est un jaune doré avec aucun aspect âcre. comme la bière de nos jours. Son profil de goût est plus près du vin que de la bière. La bière vient en deux variétés, une édition du collectionneur qui est pour les connaisseurs à 89 livres, 132 dollars américains environ, ou en bouteille, ou ça c'est à 9 dollars par bouteille. Et puis c'est les deux versions qui sont disponibles. Et on passe du fond des mers à l'espace pour terminer avec la Space Beer, une bière qui est faite avec de la levure qui est allée dans l'espace. Tu vois comment je parle jamais de bière, fait que là j'ai mis toutes les articles de bière en même temps pour m'en débarrasser. Donc la levure qui est allée dans l'espace, Steph. Oui, oui. Donc, Ground Control, une Imperial Stout, brassée par la Ninkasi Brewing Company dans l'Oregon, avec de la levure qui a été envoyée dans l'espace. La première batch de levure que la compagnie a envoyée dans l'espace au mois de juillet s'est finalement perdue dans le désert après être revenue sur Terre. Mais en octobre, 6 fioles ont réussi à être voyagées dans l'espace et revenir sur Terre. Ils ont perdu la première batch de levure! Ah! Outrage! Donc voilà, la Space Beer, c'est son surnom, mais évidemment son nom en tant que tel, c'est Ground Control. C'est pas un film avec Michael Jordan puis Bugs Bunny, ça? Space Beer? C'est l'ours de l'espace, non? c'est Space Jam, c'est confiture de l'espace en français. Oui, c'est même ça. Même pas les affaires, le confiture de l'espace, c'est un classique. Space Bar, c'est quoi ça? Testicule de l'espace. Non? Ouais. La parodie de Star Wars. Ouais, hein? Ouais. Bref, les liens vers ces très saugrenus articles sur Assemblage Requis, punto.com. Voilà, c'est tout. Merveilleux. Et, hein? Ah, mais nous, ce signal de fin de chronique veut aussi dire que nous devons nous quitter. Oh non! Oui, pour une autre journée. On est en cachette. Les blancs, les en cachette. J'ai remplacé ton sac à dos. J'ai pas remplacé ton parachute par sac à dos. Je me rappelle pas de la pub d'Alu. Quasiment réussi. J'ai remplacé ton parachute par un sac à dos. C'est ça que je voulais dire. Une parodie de pub. Bref. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Toujours en direct à partir de 7h30. Dans quelques instants, à 11h, ce sera Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, ce sera Rock Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, Réanimation, émission de métal et d'horreur. Ensuite, à 21h, l'émission Matière Noire avec du métal progressif, de la musique obscure. Sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes d'émission, les balados de diffusion. On te remercie beaucoup, Steph. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. On se retrouve demain. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il y avait demain? On est mercredi. On va voir notre amie Véronique Mire. Oh. Et Frédéric Bernard avec Crackpot TV. Hey, c'est demain à l'émission. On se quitte avec Samantha Savage Schmidt et It's a Burn. Même si t'as réussi à ne pas faire. Mais oui, j'ai même pas fait brûler. C'est tout correct. Je l'avais fait en prévision que tu te fasses brûler. Puis ça a pas À demain. Bye.